Julien. Je représente l'association Espérance qui a monté le projet de la bagagerie 68 Libération. Donc c'est une bagagerie au profit des personnes en situation d'errance. Ça fonctionne essentiellement par du bénévolat. On a aussi un salarié le matin. C'est ouvert 7 jours sur 7, matin et soir. Ça permet de libérer le fardeau des personnes qui vivent dans la rue pour qu'elles puissent se déplacer plus facilement pour des marchés sur la santé, le logement, du travail. Solidarité citoyenne, participation des usagers aussi. On a besoin de bénévoles, de compétences, de moyens, d'autonomie. Compte sur vous.